بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في المسألة الثالثة وثلاثين بعد المئة 133 مسألة في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر أو يتمر مر السحاب. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit que tu vois les montagnes et tu les penses fixes, stables, alors qu'elles passent comme les nuages. Al-Naml, la fourmi, verset 84. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبل أو الجبال يظنها رأي ساكنة ويتسير وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الجبال والجبال راسية وراسي هو الثابت في محل كقوله تعالى والجبال أرساها. Donc ce verset dans son apparent nous laisse montrer que les montagnes, celui qui les voit, les pense stables, fixes. Alors que le verset démontre également qu'elles avancent. Et d'autres versets sont venus nous montrer que les jibels sont stables et fermes, instaurés sur terre. D'accord ? Car le ras aussi, comme dans le verset soleil est venu, c'est la chose qui est stable, qui ne bouge pas. Comme dans le sens où Allah dit, et les montagnes les a fixées sur terre. Naziat, verset 32. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Et dans sa parole, dans le sens où Allah dit, et qu'il a mis sur terre des montagnes fermes, d'accord, des montagnes fermes, c'est-à-dire pour vous empêcher de basculer. Les abeilles, verset 15. وَقَوْلِهِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَلَقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. Et dans le sens où Allah a dit que la terre, nous l'avons étendue, nous avons installé des montagnes fermes. Al-Hijr, verset 19. Et d'autres versets qui vont dans le même sens. Donc là, on a comme un effet de contradiction. Qala wa wajhul jam zahirun wa huwa anna qawlahu arsaha wa nahwahu ya'ni fi ad-dunya wa qawlahu wa yatamuru mar as-sahab fi al-akhirah bidalil qawlihi وَيُمْ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ وَتَرَى الْجِبَالِ. Donc il dit la réponse tout simplement, elle est apparente, c'est que tout simplement, lorsqu'il dit qu'il a instauré les montagnes sur terre, comme dans le Nazirat verset 32, c'est-à-dire dans cette dunya, en cette vie, dans ce bas monde, les montagnes sur ce sol, sur la terre, sont là, fixes et fermes. Et quant au verset qui parle que les montagnes, elles, se déplacent, il s'agit de Yom al-Qiyam. Il s'agit de Yom al-Qiyam, le jour du jugement après la mort. Donc la preuve en cela, c'est tout simplement la suite du verset, lorsque Allah, dans le sens, il dit que le jour, il sera soufflé dans la trompe et seront effrayés ceux qui sont dans les cieux. Surat An-Naml, verset 87. Et par la suite, dans le verset, il dit, dans le sens, et tu vois les montagnes, c'est-à-dire qu'ils passent, qu'ils avancent comme les nuages. Donc cela a lieu quand ? Yom al-Qiyam. قال ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et parmi d'autres versets qui démontrent justement, parmi les textes coraniques qui démontrent, ou plutôt coraniens, qui démontrent que les montagnes avanceront le jour de la résurrection, il est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et le jour où nous ferons avancer les montagnes et tu verras la terre apparente. Surat al-Kahf, verset 47. Et dans sa parole, dans le sens où il dit, et que les jibels, les montagnes, se feront avancer et elles seront comme un mirage. An-Nabal, la nouvelle, verset 20. Ou plutôt, je rectifie, dans le verset 47 Al-Kahf, c'est le jour où nous ferons avancer les jibels, les montagnes, et tu verras la terre nivelée comme une plaine, plutôt qu'apparente. Naam. فَهَذَا وَالْجَوَابْ عَنْ هَذِي الْآيَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.